meilleur de l'émission autour de vous avec Laura sur Radio Gamozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus dans une émission autour de vous. Aujourd'hui dans les studios de RGM, je reçois Lorraine. Lorraine, bonjour, comment ça va ? Bonjour tout le monde, ça va très bien, merci. Ravie d'être là. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors moi c'est Lorraine, 27 ans. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai créé Mylène Fleur CBD et voilà que j'ai ouvert ce magasin et depuis l'aventure a commencé et j'en suis très reconnaissante. Pourquoi ce nom les Mille et une Fleurs ? Bah tout simplement pour petit rappel aux Mille et une Nuits tout d'abord et sinon bah les fleurs parce qu'il y a tellement de variétés de fleurs de CBD pour les qu'on compte même plus. Et tu fais quoi comme profession pour faire ça ? T'as fait quoi ? Alors moi je suis vendeuse, voilà, j'ai des études dans le commerce, j'ai toujours été vendeuse de quelque chose et du coup voilà, mon entreprise c'était éventuel que ça soit le CBD quoi, tout naturellement. Alors justement pourquoi le CBD ? Alors le CBD moi ça m'a permis à me soulager énormément parce que j'ai une grosse pathologie au niveau du dos, j'ai commencé dès mes 18 ans. Tout d'abord bah, ça m'a fait permettre d'arrêter le THC et les médicaments qu'on m'a donné, des nombreux médicaments qu'on m'a donné suite à mes opérations. Et du coup, le bouche à oreille a fait que j'ai testé le CBD et approuvé depuis plusieurs années maintenant. Elle se trouve où la boutique des Mille et une Fleurs ? Alors, c'est 12 rue Michel Collinet à Vanier, pas loin du rond-point de Nol. Et elle est ouverte depuis quand ? Depuis le 7 septembre 2021. Ça fait un petit peu plus d'un an, là. Et tu travailles toute seule ou tu as un employé avec toi ? Je suis toute seule, mais je prends quelquefois une intérim quand je fais des événements, comme la semaine dernière, par exemple, il y a 2 semaines, le concert de Yannis Odua et d'Anakil, faire des petits événements comme ça, donc je suis obligée de prendre quelqu'un, du coup, vu que c'est un samedi. J'ai vu ce matin, ma mère a acheté Vosges matin, il y avait un article sur une boutique à Chavlot qui vendait du chanvre, je crois, et du CBD. Et c'est quoi alors, du coup, le chanvre ? C'est une variante du CBD, non ? C'est pas quelque chose comme ça ? Eh bien, ça en fait partie, tout simplement, tout vient du chanvre et... Ça se fait de plus en plus, visiblement, parce que moi, c'est la première fois que j'en entends parler, mais j'ai même vu dans une grosse enseigne de magasin qu'ils faisaient des oreillers au CBD. Ouais, exactement. Même dans les tissus, dans la maçonnerie, maintenant, le chanvre est beaucoup utilisé, que ce soit pour faire des vêtements ou alors pour les protections thermiques aussi. Apparemment, ça isolerait énormément. Il y a beaucoup d'études qui se font là-dessus. Et aussi, tout simplement, même en alimentation, dans les cosmétiques. Mais je me dis, dans un oreiller, qu'est-ce que le CBD, qu'est-ce que ça fait ? Ça apaise le sommeil, ça ? C'est le chanvre. En fait, le chanvre, ça va être une fibre saine déjà, comme le coton. Et comment est-ce que tu manipules le CBD pour faire tes produits ? Alors, moi, c'est sous forme de fleurs. Mm-hmm. J'ai sous forme de résine aussi, ou en huile également. Et les huiles, c'est le top du top. C'est ce que je prends, moi, assez régulièrement pour les douleurs. Il y a aussi pour soulager le sommeil, plein de choses. Est-ce que tu as un fournisseur ? Ça se passe comment ? Comment tu récupères les produits pour ensuite fabriquer les tiens ? Alors moi, je ne fabrique pas du tout, c'est juste de la revente. J'ai plusieurs fournisseurs. Je vais avoir un fournisseur pour les tisanes, un fournisseur pour les fleurs. Après, je ne travaille pas justement, c'est ce que je voulais, c'est avoir le moindre de fournisseurs. Donc j'en ai que quelques-uns. Et un pour chaque catégorie. Le CBD, c'est vraiment utilisé aussi pour des fins thérapeutiques, alors du coup ? Exactement, de plus en plus, pour toutes les personnes qui... ça ne guérit pas, on ne dit pas que ça va guérir, mais ça va soulager énormément de choses, que ce soit pour des personnes atteintes de cancer qui font des chimiothérapies, ça va la soulager les nausées, les douleurs, les ballonnements, les migraines. Oui, parce qu'on me dit souvent, CBD, moi je pense tout de suite cannabis, donc drogue, mais apparemment c'est pas ça. C'est donc un dérivé, je crois. Exactement, c'est un dérivé. Le CBD, c'est juste une des nombreuses molécules du cannabis. Et donc, du coup, dans le cannabis, la seule chose de drogue illégale, c'est le THC. Et là, du coup, dans le CBD, il n'y en a pas assez pour que ça soit drogué. Au moins, voilà, maintenant, la législation, c'est moins de 0,3%. Donc, il y a zéro accoutumance. Comment est-ce qu'il t'est venu l'idée de vendre des produits avec du CBD ? Tout simplement parce que je suis consommatrice depuis des années et moi ça m'a énormément aidée. Du coup, je voulais en faire bénéficier d'autres et en proposer davantage et surtout que ça soit accessible à tout le monde. Pour des personnes autant, ce que j'adore du coup dans mon métier, c'est des petites mamies qui viennent pour de l'arthrose. Voilà, je trouve ça tellement mignon et ça me fait tellement plaisir de pouvoir les aider à soulager un minimum leur douleur. Et j'ai des excellents retours et c'est ce qui fait encore plus chaud au cœur. Est-ce que ça marche aussi le bouche à oreille ? Bien sûr, le bouche à oreille sera toujours le numéro 1 de la pub, on va dire. Tu participes à des événements, tu nous disais, tu peux nous en parler un peu ?

Nous sommes de retour avec Lorraine pour vous parler du CBD, mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix musical ? Eh bien, j'ai l'occasion de rencontrer et de parler à Yannis Dua personnellement, et du coup, je lui ai fait découvrir aussi mes produits, qu'il a approuvé avec une belle dédicace vidéo, un grand monsieur que j'admire et j'apprécie. Et voilà, c'était un choix évident pour la musique. C'est quoi le CBD ? Est-ce que c'est du cannabis ? Alors, ça en fait partie. Ça fait partie des multitudes de cannabinoïdes qu'il y a dans le cannabis. Mais il n'y a pas que le THC dans le cannabis. Voilà, le THC, c'est la substance illégale. Mais le CBD, c'est tout le bon côté de la plante, en fait. Une petite info pour nos auditeurs. Le CBD a été découvert en 1940 par le chimiste américain Roger Adams et son équipe de l'Université de l'Illinois aux États-Unis. Il a isolé pour la première fois un cannabinoïde à partir d'un extrait de cannabis. Il s'agissait du cannabidiol, que l'on connaît bien sous le nom de CBD. Exactement, ouais. Cannabidiol, contrairement au THC, le tétrahydrocannabidiol. Mmh. Voilà. Et il y a de tout, il y a du CBN, il y en a plus d'une centaine de cannabinoïdes. Quand j'ai vu les termes mais j'arrive même pas à le dire en plus, ça fait un peu examen médicaux, je trouve, ou un peu, tu sais, les résultats de prise de sang. Oui, c'est ça. Bah, quand on doit découvrir le THC sur la prise de sang, ouais, c'est généralement ça. Est-ce que le CBD, ça peut nous donner des addictions si on en consomme ? Pas du tout, contrairement à son cousin, le THC, le CBD n'a pas d'accoutumance. Voilà, à part l'envie d'être détendu, c'est tout ce que ça peut nous faire. Est-ce qu'il existe des bienfaits du CBD sur notre santé ? Une multitude, que ce soit par rapport à la digestion, par rapport à la fluidifier le sang, pour les troubles du sommeil et par rapport aussi à toutes les articulations, aux muscles. Voilà, ça va détendre autant l'esprit que le corps et soulager aussi les douleurs. Donc tu parlais de ton cas personnel. Est-ce que tu as vraiment senti une différence au niveau de tes douleurs une fois que tu as pris le CBD par rapport aux antidouleurs que te prescrivaient les médecins ? Complètement, parce que justement, j'ai eu des forts médicaments à forte dose. Et du coup, là, je me sentais endormie par rapport au CBD, que là, on peut en consommer toute la journée. Il n'y a pas d'avoir de coups de barre ou de fatigue et d'accoutumance pour le coup, alors que j'étais vraiment accro aux médicaments, quoi. Le souci avec les médicaments, c'est que ça soigne une pathologie, mais en même temps, tu as d'autres effets secondaires qui peuvent amener d'autres pathologies par la suite. C'est Exactement. Un cercle vicieux, voilà. Est-ce que tu le conseillerais à une personne qui est très, très anxieuse ? Complètement, complètement, bien sûr. Pour les personnes anxieuses, voire même dépressives, c'est déjà l'objectif ultime du CBD, ça va être d'étendre déjà la tête, et après, sous forme de cure, ou alors vraiment... Les huiles, les tisanes, vraiment avec tous les produits nécessaires qui peuvent soulager carrément les douleurs articulaires et musculaires. Comment est-ce que ça agit sur le cerveau ? Ça va détendre l'esprit, tout simplement. On va se sentir détendu. Les effets, ils durent combien de temps à peu près ? C'est à peu près, selon les personnes, selon le poids, hein, ça va être entre 4 et 6 heures. Donc toi, quand t'en prenais, tu t'as vraiment senti la différence ? Les douleurs, tu les sentais quasiment plus ou t'avais quand même un petit peu mal, mais c'était beaucoup moins intense ? Voilà, ça va être beaucoup moins intense. On va pas dire non plus, ça va guérir, tout va bien, je vais courir. Moi, en attendant, j'ai senti vraiment un réel soulagement par rapport... surtout, moi, c'était le dos, donc c'était énorme que je sois debout, assis ou allongé. On n'a pas de bonne position quand c'est pour le dos. Est-ce que ça aide vraiment une personne qui a des problèmes pour s'endormir à trouver le sommeil et avoir un bon cycle de sommeil, justement ? Alors, ça ne va pas avoir un effet somnifère, hein, donc on ne va pas ressentir le coup de barre en prenant du CBD, parce que justement, on peut en prendre toute la journée, que ça ne va pas nous endormir. Mais tout simplement, on va être plus détendu, on va être soulagé, on va avoir un poids en moins sous les épaules, donc on va mieux dormir et on aura un meilleur cycle. Parce que des personnes comme moi qui sont assez cérébrales, même quand tu dors, tu sais, tu penses, du coup, tu es fatigué et tout. Est-ce que ça peut aider aussi à... C'est justement ce que ça va faire, ça va détendre l'esprit. Du coup, on dormira mieux, mais ça ne va pas être fait pour dormir comme un somnifère. Boum, on va le prendre, on va dormir. C'est juste que voilà, on sera détendu et on aura un meilleur sommeil, en tout cas. Alors, c'est quoi la différence entre le CBD et le THC ? Alors, le THC, c'est la substance récréative. Et le CBD, du coup, ça va être la substance, le bon côté du cannabis, du coup, qui va... Là, le bon côté de la plante, parce qu'avant tout, ça reste une plante, c'est naturel. Et une plante a toujours énormément de vertus. Et le CBD, du coup, en fait partie par rapport aux bonnes vertus du cannabis. Est-ce que c'est légal, le CBD ? Le CBD est légal. La fleur a été interdite, mais est redevenue légale parce que l'Europe dit oui et la France dit non. Mais voilà, c'est un cercle vicieux, mais la fleur pose toujours un petit peu problème, en tout cas pour la France, alors qu'il n'y a aucune accoutumance. Mais ça rappelle trop voilà, le cannabis. Quoi. Donc, il y a toujours un sujet tabou par rapport à la fleur, mais en tout cas, elle est bien légale en ce moment. Il n'y a pas de souci. Et du coup, il n'y a pas que ça. Quoi. Heureusement, il y a les huiles qui vont faire toute la partie, la grosse partie aussi du boulot du CBD. Les huiles, ça va être le top du top. On le ressent plus en huile sublinguale qu'en, malheureusement, le fumant, qu'en l'infusant aussi. Est-ce qu'on peut le consommer, par exemple, dans de la nourriture ou quelque chose comme ça ? Complètement, ouais. Maintenant, il y a beaucoup d'alimentation par rapport à ça. Donc, qui va faire office, bah, bien sûr, déjà, l'infusion, ça va être le top numéro 1 du CBD. Après, voilà, on peut en faire dans le beurre, dans la farine, voilà, dans les vinaigrettes, voilà, toujours agrémenté d'un petit plus, qui est toujours sympa. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler des différents produits que tu proposes dans ta boutique. On vous laisse donc avec Kinvé et Soul King et on se retrouvera juste après sur le 107. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete, Tahiti. Je vous demanderai de bien vouloir remonter votre cachet blanc. Je suis le commandant Kinvé. Bienvenue à bord. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que j'y prends ma vie. Acteur de la paix, s'il faut, vos discours sont...

Après, Kinvé, c'est bien, c'est qu'il écrit vraiment un peu sur tout. Il a écrit sur le harcèlement scolaire, sur... Avec Amélie, sur les accidents de la route. Voilà, aussi, oui. Mmh. Ouais, il a vraiment des bonnes musiques, des bonnes paroles, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut découvrir comme produit au Mille et une Fleurs ? Alors, tout d'abord, pas mal de fleurs de CBD. Donc, je n'ai pas énormément de variétés, mais je tourne régulièrement. Toutes les semaines ou toutes les deux semaines, j'ai des nouveautés. Voilà, ce qui va permettre aussi aux gens de goûter un petit peu tout ce qu'il y a. Et on n'aura jamais tout goûté parce qu'il y en a tellement. Et autrement, toute une partie cosmétique, parce que le chanvre va avant tout hydrater la peau, nourrir. Et le CBD va agir en profondeur sur certains produits, comme par exemple, j'ai un baume anti-douleur. Donc moi, qui a été génial, vraiment, je l'ai testé il y a 2-3 semaines. Je me suis fait une entorse et on s'applique ça les baumes qu'ils nous donnent en pharmacie. Et moi, j'ai pris celui que j'avais chez moi et j'en suis au bout de 2 jours, tout allait bien, quoi. C'est aussi efficace que la plante de l'arnica, alors, finalement. Exactement, ouais, exactement. Je l'assimile assez particulièrement à ça. Et pour les cosmétiques, pour les problèmes de peau aussi, par rapport à l'aloe vera aussi. Est-ce que tu as plusieurs huiles essentielles avec du CBD ou c'est juste un produit ? Alors, c'est une huile, mais il y a plusieurs pourcentages. Donc après, le pourcentage, ça ne veut plus ou moins rien dire, mais c'est juste un taux de concentration un peu plus élevé. Donc j'en ai une à 5%, par exemple, qui va être très bien pour les animaux. Mmh. La 10% qui va être très bien, mais elle est assez légère, donc ça va être pour des petits tracas, on va dire, pour des petits ballonnements, ce genre de petits soucis, les soucis digestifs. Après, la 20%, elle commence à être vraiment très bien pour tous les problèmes d'anxiété, stress, pour les troubles du sommeil. Et du coup, la plus concentrée, la plus importante, va être très bien pour toutes les douleurs articulaires, musculaires, pour les grosses pathologies telles que l'arthrose, la Parkinson, sclérose en plaques. Mmh. Est-ce que c'est aromatisé ? Alors, il y en a d'aromatisés. Pour ma part, je choisis de vendre que du naturel. Donc, c'est juste de l'huile de chanvre. Donc, il y a le goût chanvre, ça assure que ça va être moins agréable que de la cerise. Bon, moi, c'est pas chimique ou synthétique, c'est vraiment du produit naturel. Et le chanvre, ça existe aussi en poudre, je crois, non ? Et en poudre, on peut en faire de la farine, on peut en faire pour pas mal de choses. Tu proposes aussi des cosmétiques, mais quel genre de cosmétiques à base de CBD ? Alors, j'ai par exemple une crème pour les mains, qui est très très bien, un sérum pour la peau, j'ai une crème visage jour et nuit. Il y a aussi également un soin anti-rides, là du coup qui est assez dosé en CBD, du coup qui va vraiment bien repulper, qui est testé, approuvé. Le gommage, j'ai un gommage de visage pour les cheveux, énormément. Moi, ça m'aide aussi énormément pour le psoriasis. Il va y avoir un effet aussi sur l'épiderme pour les problèmes de peau tels que le psoriasis, l'eczéma. Moi, c'est testé, approuvé en shampoing, en tout cas. Tu proposes également des fleurs au CBD. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors voilà, elles font partie quasiment toutes des fleurs sativa. Donc, il y en a plusieurs, toutes les variétés. Il va y avoir de la citronnée, de la boisée, de la un petit peu plus terreuse. Voilà, un petit peu pour tous les goûts et à tous les prix. Il va y avoir de la culture indoor. Donc celle-là, ça va être vraiment des belles grosses têtes de fleurs bien parfumées, bien odorantes. Et après, je vais en vendre un petit peu moins chères, les greenhouse, celles qui sont poussées sous serre. Il y en a même des outdoor, celles qui sont poussées extérieures. Voilà, tout vient d'une culture différente. J'essaie de proposer pas mal de variétés avec plusieurs cultures, du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les fleurs-là ? Est-ce que c'est des fleurs qu'on met dans un vase et qu'on pose comme ça sur la table ou est-ce que ça a des vertus Non, pas du tout. Ça a des très bonnes vertus par rapport pour se déstresser, pour se détendre. Du coup, c'est le meilleur, c'est en infusion. Mm-hmm. Est-ce que tu as d'autres produits que tu proposes aux clients aussi ? Tout à fait. J'ai de l'alimentation, des bonbons, des sucettes, il y a des boissons, des gâteaux, la farine, de l'huile alimentaire. Mm-hmm. Ouais, c'est intéressant ça. Voilà, ça pour faire des vinaigrettes l'été ou alors même du sel. Du sel pour, admettons, ça va être bientôt la saison des raclettes pour agrémenter le fromage à raclette, par exemple. Est-ce que tu vends qu'en boutique ou est-ce que tu vends aussi tes produits en ligne ? Alors, pas pour l'instant, pas encore, mais ça va venir. Comment ça se passerait ? Est-ce que tu ferais du click and collect ou... Pas du click and collect, mais de l'envoi avec livraison assez rapide. Est-ce que tu vends aussi des produits dérivés pour promouvoir ta boutique ? Je les offre, voilà, je fais toujours des petits goodies, j'offre les petits porte-clés, bientôt les briquets. Là, j'ai une chanson de Diams qui me vient en tête, Sortez les briquets. Je l'ai adorée. C'est quoi pour toi le bien-être, Lorraine ? Le bien-être, bah déjà, se sentir détendu naturellement. C'est le plus important, je pense, dans le bien-être. C'est surtout que ça soit naturel et pas provoqué par quelque chose de malsain. Mm-hmm. Est-ce que pour toi, le bien-être, c'est avant tout quelque chose de mental ou aussi physique, ou il faut forcément les deux pour être bien ? On peut se sentir très bien dans sa tête ou très bien dans son corps, mais je pense que l'un va pas sans l'autre aussi en général. Quand on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son corps. Mmh. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Bien sûr, sur Facebook et Instagram. Est-ce que tu as des projets futurs sur le court ou le long terme avec et hors des mille et une fleurs ? Alors j'aimerais bien, pourquoi pas un jour, ouvrir mon salon de thé pour proposer des infusions au CBD ou plein d'autres boissons également. Et autrement aussi, pourquoi pas à l'avenir, une ligne de vêtements à base de chanvre aussi, ça serait le top du top. Est-ce que tu aurais un message à passer aux futurs clients qui pourraient venir dans ta boutique ? Il faut oser, il ne faut pas se dire CBD égale cannabis, il faut déjà avant tout CBD égale plante et surtout naturel. Du coup déjà, au moins oser et essayer, et souvent c'est... même la plupart du cas approuvé en tout cas. Et j'ai des excellents retours, que ce soit pour des petits jeunes, mais le plus important de ma clientèle, ça va être des petites mamies, des petits papis. Voilà, et je trouve ça génial que ça leur fasse du bien, parce que l'arthrose, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose à part essayer de se soulager, et du coup, ça aide énormément ces personnes-là. Est-ce qu'il y a plus de papis-mamies qui viennent te voir pour leur pathologie, ou est-ce que tu as plus de jeunes ? J'ai beaucoup plus à partir, pas non plus papy-mamie, mais à partir de la cinquantaine, c'est mon plus fort client. Ouais. Après, j'ai des petits jeunes, bien sûr, qui veulent arrêter, qui veulent se sevrer du THC ou essayer contre les addictions. Mais en général, c'est beaucoup les personnes à pathologie articulaire ou musculaire, ou tout simplement de se déstresser, les personnes anxieuses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Lorraine ? Bonheur, joie, prospérité. Exactement, voilà. Ouais, surtout prospérité, et ouais, ça sera déjà le plus important. Cette émission est maintenant terminée. Lorraine, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci pour l'accueil. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu auras passé un bon moment en notre compagnie. Un excellent moment, c'était bien sympa de pouvoir essayer de parler de mes produits. Alors justement, je te souhaite joie, bonheur et prospérité. Merci beaucoup, également pour vous, je vous souhaite. Merci. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, portez-vous bien. C'était Laura, bye tout le monde.